بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui notre cours, le cours numéro 8, dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas, حفظه الله تعالى, un livre qui s'intitule التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية, c'est-à-dire le taqlid et son jugement selon le Coran et la Sunna et les traditions et les narrations des salafs. On a déjà expliqué plusieurs points dans le livre et le dernier point qu'on a expliqué au cours passé, c'était Al-Fasl al-Khamis, la cinquième partie dans le livre. Et le titre de cette partie, c'est « هل يلزم المسلم أن يقلد مذهباً بعينه » Est-ce que c'est obligatoire pour un musulman de suivre aveuglément un madhhab en particulier? Et on a commencé à répondre à cette question-là en lisant des réponses de certains parmi les ulama que le cheikh a cités, et entre autres les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sur la question. On va continuer donc avec une autre réponse de Cheikh ibn Taymiyyah et des réponses de son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziya par la suite, et de d'autres parmi les ulama également après ça. Donc, pour commencer, on va reprendre à partir de la dernière citation où on s'était arrêté la dernière fois. Le Cheikh Wasiullah, il a cité cette autre question qui a été posée à Ibn Taymiyyah, rahimahullah. « Wa su'ila Cheikh al-Islam an rajulin tafaqqaha fi madhhabin min al-madhahib al-arba'a wa tabassara fihi. » واشتغل بعده بالحديث فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا وذلك المذهب مخالف لها فهل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه فأجاب. Donc, je pense que le mieux, c'est de commencer par traduire la question. Puis après, Inch'Allah, on va lire la réponse, puis je vais vous la traduire par la suite. Donc, la question qui a été posée à Ibn Taymiyyah ici, c'est un homme qui a étudié le fiqh selon un madhhab parmi les quatre madhhab qui sont bien connus et célèbres. Hein? Puis, il a acquis une certaine connaissance dans ce madhhab. Et ensuite, il s'est préoccupé de l'étude du hadith et de la science du hadith. Et il a trouvé pendant son étude des hadiths authentiques. Il ne connaissait à ces hadiths-là aucun nasikh, c'est-à-dire aucun abrogeant. Voilà mukhassisan, c'est-à-dire rien qui vient restreindre leur compréhension ou leur application, ni opposition. Il n'y avait pas aucune opposition à ces hadiths-là. Et il a constaté que les hadiths qu'il a étudiés sont en contradiction avec le madhhab qu'il a étudié. Alors, la question qui a été posée ici à Ibn Taymiyyah, c'est est-ce qu'il est permis pour lui de continuer à appliquer ce qu'il a étudié dans ce madhhab, ou bien est-ce qu'il est obligatoire pour lui de revenir à l'application des hadiths qui contredisent son madhhab? Hein? Donc, est-ce qu'il doit... continuer à appliquer et à suivre le madhhab à la lettre et de le suivre aveuglément, même si ça contredit les hadiths, ou bien il doit revenir aux hadiths authentiques qui contredisent son madhhab. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répondu à cette question-là. Il a dit, « فَأَجَابَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَى الْخَلْقِ طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول أتيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. Donc, on va commencer par cette partie. On va traduire le début de la réponse de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, « Louange à Allah, il a été confirmé par le Coran et par la Sunna et le consensus, hein, c'est-à-dire le consensus des ulama et des imams et des salafs, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la création de lui obéir à lui et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a personne dans cette umma qui est obligatoire pour une personne en particulier de lui obéir dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il a interdit, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans cette umma pour qui l'obéissance est obligatoire à chaque individu dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il interdit, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, même As-Siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui est le meilleur après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette umma, et lui-même, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, obéissez-moi tant que je suis dans l'obéissance d'Allah. Et si je désobéis à Allah, alors vous n'avez aucune obéissance envers moi. Hein? Il n'y a aucune obligation de m'obéir lorsque j'ai désobéi à Allah. Donc si c'est le cas de Abu Bakr, radiyallahu anhu, eh bien ça, on peut le dire dans ce cas-là encore plus à propos de n'importe quel autre musulman qui vient après Abu Bakr, radiyallahu anhu. Après le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: "Wattafaqu kulluhum ala annahu laysa ahad annahu laysa ahad ma'suman fi kulli ma ya'muru bihi wa yanha anhu illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam." Et il dit également, les ulama et les imams de l'islam, ils sont tous d'accord sur le fait que personne n'est infaillible dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il interdit, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc peu importe de qui il s'agit, peu importe de son niveau de connaissance ou de son niveau de science et de son niveau de piété, il n'y a personne qui est infaillible en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un fondement parmi les fondements de la da'wah salafiyya et de la sunna. Donc, c'est un principe qui est établi et connu, et il y a un accord de tous les ulama sur ça. Après, le cheikh, il dit: وَهَاُولَا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَهَوْا النَّاسِ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامِ أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم وذكر بعض الأدلة على عدم وجوب تقليد إمام بعينه الذي اشتغل على مذهبه وقال ولو فتح هذا الباب أو ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أو أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو Subhanahu amma yushrikun. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il établit ici un point très puissant, très fort dans son argument. Il dit que les quatre imams, ils ont eux-mêmes interdit à leurs fidèles ou aux gens à qui ils parlaient, à qui ils s'adressaient et à ceux qu'ils ont enseignés, ils leur interdisaient de les suivre aveuglément dans tout ce qu'ils disent. Et il leur a expliqué que ça c'était, il dit le cheikh, et ça c'est une obligation pour eux. C'est-à-dire c'est une obligation pour eux de dire aux gens qu'il est interdit de les suivre aveuglément dans tout ce qu'ils disent. Hein? Et c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Puis Ibn Taymiyyah, il dit, le cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah, il a mentionné les paroles des quatre imams au sujet de l'interdiction de faire leur taqlid, de les suivre aveuglément. Et on les a cités dans le chapitre précédent. On a mentionné ces choses-là dans les chapitres précédents. On a cité les paroles de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, rahimahumullah. Et on a mentionné qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce sujet. Et c'était clair qu'ils ont tous interdit de les suivre aveuglément. Après, le cheikh, il dit, et il a mentionné également d'autres preuves qui prouvent qu'il n'est pas obligatoire de suivre aveuglément un imam parmi les imams, et de se préoccuper uniquement de son madhab et d'étudier uniquement sur son madhab. Et le cheikh, il a dit, et si on ouvrait cette porte? Il dit, si on ouvrait cette porte, hein, c'est-à-dire que quelqu'un, il étudie le madhab, puis même s'il trouve les hadiths qui sont en contradiction, eh bien, il va pas les prendre, il va juste suivre son hadith, il va juste suivre son madhab. Et il dit, si on ouvrait cette porte, eh bien, ça voudrait dire qu'on devrait, hein, qu'il serait obligatoire de se détourner de l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça voudrait dire que chaque imam deviendrait, par rapport à ses fidèles ou à ceux qui l'ont suivi, comme le même degré que le prophète avec sa umma. Puisqu'ils ne vont plus obéir à Allah et à son messager dans tout, mais ils vont plutôt remplacer le messager d'Allah par leur imam. Et tout ce que l'imam a dit, ils vont le suivre. Et tout ce que l'imam a interdit, ils vont le suivre, même si ça contredit ce que le hadith authentique a confirmé. Donc, ça veut dire, c'est comme s'ils faisaient de leurs imams et de leurs chouyours et de leurs ulama des seigneurs et des égaux en dehors d'Allah. Et ça, le cheikh, il dit que ça représente une déformation et un changement de la religion qui ressemble à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les chrétiens, justement, d'avoir fait. Comme il le mentionne dans le verset 31 dans sourate At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: ils ont pris leur rabbin et leur moine comme des seigneurs en dehors d'Allah, et ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que de n'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Et donc le cheikh, il explique, il mentionne ce verset-là, comme on l'a déjà expliqué dans les chapitres précédents, que c'était à propos des juifs et des chrétiens, et le hadith qui est rapporté selon Adi ibn Hatim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, parce que Adi, avant l'islam, il était chrétien, hein? Et donc il est venu voir le messager d'Allah, il avait une grosse croix dans son cou. Il lui a dit, « Ya Adi, qu'est-ce que c'est cette idole dans ton cou, hein? » Et il l'a appelé à l'islam et il est devenu musulman. Et il a retiré la croix, hein? Puis après, il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui récitait ce verset. « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. » Alors il a dit, « Oh, messager d'Allah, on ne les adorait pas, hein? On ne leur faisait pas des sujouds, des rukous ou bien des prières. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en disant, n'est-ce pas que eux ils rendaient halal ce que Allah a rendu haram, et vous le suiviez, et ils rendaient haram ce qui est halal, et vous les suiviez dans qu'est-ce qu'ils disaient. Et à ce moment-là, Adi a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, alors c'était ça votre adoration pour eux. Donc si par exemple parmi les musulmans il y a par exemple un cheikh ou un imam qui donne une fatwa, et dans cette fatwa il contredit ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna authentique, et puis les gens le suivent dans ça, alors qu'ils savent que cette fatwa, elle contredit le Coran et la Sunna, eh bien, c'est comme s'ils avaient pris leur cheikh comme un seigneur en dehors d'Allah. Hein? Comme s'ils l'avaient pris comme un Rabb, hein? ou Arbab, min dunillah. Et donc ça veut dire que le fait de prendre des législateurs qui rendent halal ce qui est haram, qui rendent haram ce qui est halal, et de croire que ce qu'ils disent, c'est ça la religion d'Allah, alors que ça contredit la révélation, alors dans ce cas-là, ça c'est batil. Et ça, c'est la fin de cette citation de Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa. C'est dans le volume 20, de la page 210 à 216. Ensuite, il a cité les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, et il clarifie cette question, il détaille aussi là-dessus. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, rahimahullah, وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان. Donc, il explique ici, on lui a posé la question, est-ce qu'il est obligatoire au commun des musulmans, al-ammiyu, c'est-à-dire le musulman qui n'a pas fait d'études de la religion, il ne connaît pas l'islam, il n'a pas étudié le fiqh ou le hadith ou le sharia, des choses comme ça, c'est un musulman ordinaire. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de suivre un madhab ou d'adhérer à un madhab parmi les madhab qui sont connus ou non? Et l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, il y a deux positions là-dessus. Il y a deux positions là-dessus. Et il donne la première. Il dit, « أحدها لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به. » Il dit, la première position sur cette question, c'est que cela n'est pas obligatoire pour lui. Et il dit, et c'est ça qui est correct, et c'est ça qui est tranché, qui est clair. إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. Et la raison de ça, c'est parce qu'il n'y a rien qui peut être obligatoire, excepté si c'est Allah et son messager qui l'ont rendu obligatoire. وَلَمْ يُوجِبِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الْأُمَّةِ فَيُقَلِّدُهُ دِينَهُ دُونَ غَيْرِهِ. Donc il dit, et il n'y a rien qui oblige, c'est-à-dire Allah et son messager, ils n'ont jamais obligé à quiconque parmi les gens de prendre la position d'un homme parmi les hommes de la Ummah et de le suivre dans sa religion en dehors des autres. Il dit ensuite, وَقَدْ انْطَوَتْ الْقُرُونَ الْفَاضِلَةِ مُبْرَأَةً مَبْرَأَ أَهْلِهِ مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ بَلْ لَا يَصِحُّ لِلْعَمِّيِّ مَذْهَبْ وَلَوْ تَمَذْهَبَ بِهِ فَالْعَمِّيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله أما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il l'explique clairement, il dit les meilleurs siècles sont passés et on n'a jamais vu dans ces trois premières générations de la Umma quiconque qui s'apparentait ou qui prétendait être sur la voie ou le madhab ou les positions d'un imam parmi les imams, qu'il fallait le suivre et que c'est lui qu'il fallait prendre la religion en dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et il n'est pas donc correct de la part d'un musulman ordinaire ou du commun des musulmans de suivre un madhab, même s'il prétend, même s'il adhère à un madhab. Eh bien, le ammi n'a pas de madhab. Le ammi, le musulman du commun, le commun des musulmans, il n'a pas de madhab. Même s'il prétend être sur un madhab, il n'a pas de madhab. Il dit pourquoi? Parce que le madhab, ça nécessite une certaine forme de réflexion et de compréhension des preuves. Et la personne doit avoir la compréhension, justement, des positions qu'il doit adopter de son imam. Ou bien il doit avoir lu un livre parmi les livres qui explique les différentes questions qui ont rapport avec ce madhab-là. Et il doit connaître les fatwas de son imam et ses positions. Et on ne peut pas dire ça donc de quelqu'un qui n'a pas du tout étudié et qui n'a aucune aptitude dans ce sens-là. Et il dit, même si la personne a dit « je suis Shafi'i » ou « je suis Hanbali » ou je suis Maliki, ou je suis Hanafi, hein, ou bien d'autres de ces termes ou de ces appellations, il ne dit, c'est pas parce que la personne, elle le dit, qu'elle devient automatiquement un Hanbali ou un Shafi'i. C'est pas suffisant juste de le dire. Il dit, c'est comme si quelqu'un disait, je suis un savant de fiqh, ou un savant de grammaire. C'est pas parce que tu dis que tu es un grammairien ou un savant de fiqh que automatiquement tu le deviens. Hein? C'est comme si tu dis par exemple, je suis un ingénieur ou un médecin, ça ne veut pas dire que parce que tu le dis ou que tu le prétends que tu es automatiquement un médecin. Hein? Donc ça, c'est pas juste la parole qui le détermine. Et après, il dit, le cheikh, il dit, وَيُوَضِّحُ أَنَّ الْقَائِلِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْقَائِلِ إِنَّهُ شَافِعِي أَوْ مَالِكِي أَوْ حَنَفِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِذَلِكَ الْإِمَامِ سَالِكٌ طَرِيقَهُ وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُ لَهُ إِذَا سَلَكَ سَبِيلَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالِاسْتِدْلَالِ أَمَّا مَعَ جَهْلِهِ وَبُعْدِهِ جِدًّا عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ وَعِلْمِهِ وَطَرِيقِهِ فَكَيْفَ يَصِحُ لَهُ الْإِنْتِسَابُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالدَّعْوَى الْمُجَرَّدَةِ وَالْقَوْلِ الْفَارِغِ مِنْ كُلِّ مَعْنَى. Donc il dit, le cheikh, il dit, pour clarifier encore plus qu'est-ce que je viens de dire, il dit, regardez la parole de celui qui dit qu'il est Shafi'i, hein, je suis Shafi'i, ou Maliki, ou Hanafi, et qui prétend qu'il suit cet imam, hein, et qu'il est sur sa voie, ou qu'il est sur la voie. Il dit, ça c'est uniquement correct de sa part s'il a suivi la même voie que cet imam-là dans sa science, dans sa connaissance, et dans la preuve, dans la connaissance des preuves. Hein? Dans l'argumentation qu'il amène au sujet des différents points qu'il rapporte, il dit, mais si la personne, elle est complètement éloignée et ignorante de la biographie justement de cet imam et de sa science et de sa façon, de sa méthode, alors comment est-ce que cette appartenance à cet imam pourrait-elle être vraie, hein? Excepté ou autrement qu'une simple prétention de sa part, hein, et une parole vide de tout sens. C'est vrai. Hein? Donc ça, c'est la réalité de la plupart des gens aujourd'hui. Ils disent, « Ah, oh, moi, je suis Maliki ou Shafi'i. » Pourquoi ils disent ça? Parce que le madhhab qui est le plus répandu dans leur pays, c'est ce madhhab-là, et eux, ils s'imaginent que, par conséquent, ils sont du madhhab en question, alors qu'en réalité, si tu regardes la position qu'il fait, ou la façon dont il fait la salat, ou la façon comment il prie, ou comment il fait son wudu, et tu le compares avec qu'est-ce que l'imam du madhhab en particulier a ramené comme preuve et comme différentes questions dans les détails de ces sujets-là, et les preuves et les arguments qu'il a ramenés pour chaque position, tu vois qu'il y a une grande différence entre qu'est-ce que les gens font et qu'est-ce que le madhhab affirme. J'ai rencontré souvent des musulmans qui disent, par exemple, quand je leur disais, par exemple, de faire pourquoi ils faisaient telle chose de telle façon, ou même parfois qui me faisaient une remarque par rapport à la façon dont je pratiquais certaines choses dans le wudu, ou bien dans la salat, ou dans la religion, ils me disent, par exemple, moi je suis de tel madhhab, donc je fais ça de telle façon. Et quand je vérifie dans le madhhab, dans les livres du madhhab en question, et les paroles de ulama de ce madhhab, je constate que ce qu'il prétend, lui, et ce qu'il a affirmé à ce madhhab est en contradiction avec même qu'est-ce que lui, il dit. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, ils disent, je suis tel madhhab, et il dit, qu'est-ce que je fais, ça, c'est en accord avec tel madhhab, et quand tu vérifies dans le madhhab, tu vois qu'en réalité, ça n'a même pas rapport, hein, ça n'a aucun rapport avec qu'est-ce qu'il prétend. Non. Je vais répondre en français. Je vais expliquer ta question. Je vais répondre en français. Après, je vais expliquer. Mais on a expliqué dans les cours précédents que les imams eux-mêmes, hein, auxquels ces quatre écoles de fiqh sont attribuées, eux-mêmes n'étaient pas, ne suivaient pas un madhhab en particulier. Eux-mêmes, ils ne suivaient pas un madhhab. Par exemple, le madhhab de Abu Hanifa, c'était quoi son madhhab, hein? Son madhhab, c'était ses opinions à lui, ses opinions qu'il a prises en étudiant le Coran, la Sunna, et en étudiant avec les cheikhs avec qui il a étudié. Et ensuite, il en est venu à élaborer ses différentes positions sur les différents sujets quand il y a des questions d'ijtihad, il faisait ses ijtihads. S'il n'a pas de connaissance, et s'il a la connaissance, il se base sur le dalil. Donc ça, c'est le madhhab de l'imam Abu Hanifa, et le madhhab de l'imam Malik, c'est la même chose. Et le madhhab de l'imam Malik, quand il avait 20 ans, c'est pas le même madhhab que lorsqu'il avait 25 ans, et lorsqu'il avait 30 ans, et lorsqu'il avait 35 ans, lorsqu'il avait 40 ans. Son madhhab, au fur et à mesure qu'il augmente en connaissance, en expérience, en compréhension et en application, plus son madhhab, il évolue, il change, il se transforme. Et c'est pour ça que même les imams eux-mêmes, ils ont dit, si je dis quelque chose aujourd'hui, écris-le pas. Abu Hanifa, il disait à son élève, écris pas tout ce que je dis. Peut-être que je vais dire quelque chose aujourd'hui, je vais le changer demain. Et peut-être que je vais dire quelque chose demain, je vais le changer après-demain. Donc, de ne pas prendre l'idée que la position d'un imam, c'est une position qui est nécessairement fixe tout le temps. Non, elle peut évoluer, elle peut changer sa position. Parce que c'est des questions qui sont reliées à leur compréhension et à leur connaissance. Et quand leur connaissance et leur compréhension augmentent, eh bien leur position change. Donc c'est pour ça. Et en réalité, c'est ça. Tu vois que l'imam Shafi, il a été l'élève de l'imam Malik. Et l'imam Shafi, il a étudié avec l'imam Ahmad. Et l'imam Ahmad a étudié avec l'imam Shafi. Ils ont tous étudié les uns avec les autres ou les uns avec des élèves des autres. Et ils n'ont pas seulement eu un ou deux ou trois cheikhs. Non, c'est des hommes qui ont étudié avec des centaines de ulama. Donc, ils n'ont pas été, disons, bornés ou limités à prendre une seule opinion ou une seule position. D'accord? Donc, c'est ça. Mais c'est un bon point dans le sens que si eux-mêmes, ils n'ont pas suivi un madhab aveuglément et une position aveuglément, comment ils peuvent ou comment des gens peuvent leur attribuer ou leur prétendre qu'il est obligatoire de les suivre eux aveuglément. Alors qu'on sait clairement qu'eux-mêmes ils ont interdit ça. Et ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim il dit وَالْعَمِّيُّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصِحَ لَهُ مَذْهَبْ وَلَوْ تَصَوَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا لِغَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا قَطْ أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم والسائر الأئمة سائر أئمة الإسلام وبطلت جملة من مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله. Donc le cheikh il explique, il dit donc le musulman ordinaire ou le musulman du commun qui n'a pas fait des études de la religion, on peut pas donc considérer ou même concevoir que il pourrait suivre un madhab. Et même si on arrivait à concevoir cela, on ne pourrait même pas dire que cela est obligatoire pour lui ni pour quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas dire non plus qu'il est obligatoire à quiconque, de façon générale, d'adhérer au madhhab d'un imam ou d'un homme parmi la umma, de façon à ce qu'ils prennent tout ce qu'il a dit et qu'ils laissent les opinions de tous les autres. Hein? Tu dois suivre la parole de cet homme dans la umma et tu dois laisser les paroles de tous les autres savants de l'islam, sauf lui. Ça, y a personne qui a jamais dit ça parmi les savants de l'islam, dans la umma. Et c'est, le cheikh dit ça, c'est une bid'a qabiha, c'est-à-dire très laide. Et il dit, c'est arrivé, hein? Il dit, c'est arrivé, c'est une chose qui a été inventée dans la umma. Et aucun des grands imams, il n'y en a pas un seul dans les imams de l'islam qui ont un degré plus élevé et une capacité plus grande et une connaissance d'Allah et de son messager plus grande. Il n'y en a aucun d'entre eux parmi ces imams de l'islam qui ont imposé cela aux gens. Et improbable et encore plus loin, l'idée que l'un d'entre eux aurait dit qu'il est obligatoire d'adhérer au madhhab d'un parmi les ulama de l'islam. Et encore plus loin que ça encore, celui qui dit qu'il est obligatoire d'adhérer au madhhab d'un des quatre madhhab les plus célèbres aujourd'hui que les gens ont adoptés. Il faut savoir une des choses, et ça c'est une chose que les ulama ils mentionnent aussi quand ils parlent de ce sujet-là, c'est les raisons pour lesquelles ces différents madhhab ont été propagés dans différentes régions des pays musulmans. En grande partie, c'est pour des raisons politiques. Oui, la plupart des raisons pour lesquelles tel madhhab a été plus répandu dans telle région que dans l'autre, c'est pour des raisons politiques. Parce que le dirigeant de telle région, lui, il a aimé le madhhab de tel imam, alors il l'a imposé et il a ordonné aux juges de tout son pays qu'il juge dans les tribunaux selon ce madhhab. Hein? Et c'est arrivé dans différentes régions, c'est le madhhab qui est devenu le plus répandu. C'était souvent pour des raisons politiques, comme on dit. Et même que l'imam Malik, quand on lui avait proposé à l'époque que son livre, Al-Muwatta, soit la référence pour le jugement dans les tribunaux de son époque, l'imam Malik, il a refusé. Il a dit non, il y a beaucoup d'autres sahaba qui sont partis dans d'autres régions du monde et je n'ai pas récolté leur hadith. Donc, je ne veux pas que mon livre soit la seule référence. Et il a été battu et torturé à cause de ça. Hein? Et même certains ulama ont dit que c'était une des raisons pourquoi, justement, il pouvait, à un moment donné, il pouvait plus prier les bras croisés parce qu'on l'avait battu dans ses bras. Et donc, à cause de ça, il priait les bras sur le côté. Et ça, c'est une explication pourquoi parfois on voit dans certains pays musulmans où les gens ils disent qu'ils suivent l'imam Malik, qu'ils prient les bras sur le côté. Alors que la sunna, même l'imam Malik dans le Muwatta, il a mentionné le hadith que les prophètes, quand ils prient, ils mettent la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Hein? L'imam Malik, il a cité ce hadith dans le Muwatta. Et il a dit c'est la façon comment on doit mettre les mains dans la salat. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, les gens, ils ont laissé le hadith et ils suivent qu'est-ce qu'ils prétendent que l'imam Malik faisait. Et il y a même certains parmi les chouyours malikiyas qui essaient obstinément de défendre cette opinion que de prier le laisser les mains sur le long du corps pendant le qiyam, que ça, c'est correct. Hey, même non seulement ils disent qu'il faut mettre les mains sur le bord du corps, mais ils disent que de mettre la main droite sur la main gauche, al-qabd, que ça c'est détestable, alors que c'est ça la sunna. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est ça, c'est un exemple de ça, tu vois. Naam, barakallahu fik. Donc le cheikh dans le texte, il a mentionné à propos des quatre imams, radiyallahu anhum. Donc, est-ce que c'est permis de dire « radiyallahu anhum » pour autre que les sahaba? Et en fait, la réponse à cette question-là, comme je l'ai entendu de la part de certains ulama, ils ont expliqué que c'est permis de dire « radiyallahu anhum » à propos d'autres que les sahaba. Et quand on le dit quand, à propos d'autres que les Sahaba, c'est, ça devient un dua pour eux. C'est-à-dire, Nasarullah an yarda anhum. Nasarullah rida anhum. Mais pour les Sahaba, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a confirmé qu'il est satisfait d'eux. Donc, au sujet, lorsqu'on dit radiyallahu anhum, au sujet des Sahaba, c'est pas seulement un dua, c'est une confirmation. Parce que Allah, il dit à leur sujet, radiyallahu anhum wa radu anhu. Hein? Donc, c'est ça la différence. Mais c'est pas interdit de le faire, mais la règle générale, c'est que à propos des Sahaba, on dit radiyallahu anhum, et à propos des ulama qui sont décédés, on dit rahimahumullah. C'est ça la chose qui est la plus correcte. Oui, comme inshallah. Après, le cheikh, il explique, il dit donc, il dit, faya al-ajab, faya lillah al-ajab. Hein, comme c'est une chose étonnante, hein, par Allah, de voir que les madahib, les positions des compagnons du messager d'Allah, hein, sallallahu alayhi wa sallam, sont morts. C'est-à-dire, il y a pas, on n'a pas aujourd'hui aucune trace des, dans le sens que il n'y a pas un madhab aujourd'hui qui existe qui serait le madhab de Abu Bakr Siddiq ou le madhab de Omar ibn al-Khattab ou le madhab de Ali ibn Abi Talib ou de Uthman ibn Affan ou bien le madhab de Ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Abbas. Hein? Il n'y a pas un livre de fiqh, hein, qu'on dirait bon, al-madhab al-Mas'oudiyya ou madhab al-Abbasiyya. Non. Donc le cheikh il dit ça. De même que les ulama parmi les tabi'in, on n'a pas leur madhahib. Leur madhahib est disparu. La même chose pour les tabi'in et ceux qui ont été les élèves des tabi'in et de même que les autres parmi les imams de l'islam. Beaucoup de gens pensent que il y avait seulement 4 imams pour les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. La vérité, c'est qu'il y a des centaines et des centaines d'imams d'Ahl Sunnah du même calibre que le calibre des 4 imams. C'est pas seulement 4. Hein? À cette époque-là, surtout, il y en avait des centaines et des centaines d'imams de la religion, hein? Et qui avaient autant de capacités et d'aptitudes à être, disons, à être... à faire des ijtihads, hein, à faire des ijtihads et à juger dans les questions de la religion autant que ces 4 imams. Sauf que les musulmans d'aujourd'hui, ils les ont oubliés ou les connaissent pas. Hein. Mais l'imam, par exemple, Sufyan al-Thawri, l'imam al-Awza'i, rahimahumullah, l'imam Sufyan ibn Uyayna, l'imam Layth ibn Sa'd, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, Amir al-Mu'minin fil hadith. Hein? De même que, par exemple, aussi, parmi les grands ulamas, hein? L'imam Ishaq ibn Rahouya, Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, Sufyan al-Thawri, donc tous ces grands imams sont des grands imams d'Ahl al-Sunnah. Ils pouvaient tous avoir l'imam al-Tabari, celui qui a écrit le tafsir. On dit que lui aussi c'était un parmi les ulama al-mujtahidin. Hein? Donc on dit qu'il avait même lui aussi un madhab. Mais souvent qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi certains ulama leur position n'ont pas été préservées, c'est des fois c'est à cause de leurs élèves. Des fois c'est à cause de leurs élèves. Parce que certains imams, leurs élèves ont préservé leur position et leurs opinions et les ont réunis et rassemblés sur différents sujets. Par exemple, il y a un livre pour l'imam Malik, c'est Al-Mudawwanatul Kubra. Al-Mudawwanatul Kubra, c'est un livre qui avait été écrit par un de ses élèves et qui a rassemblé ses différentes positions, les différentes positions de l'imam Malik. Et c'est ça qui est devenu la référence par la suite pour les autres ulama du madhab. Et il y a eu d'autres madhab où c'était comme ça, l'imam al-Shafi'i qui a écrit son livre Al-Umm. Et aussi, il y a d'autres livres également. Et donc, pour dire que L'imam Al-Layth ibn Sa'd, lui, ses élèves n'ont pas préservé son madhab. Et d'autres, certains des fuqaha, si tu lis par exemple dans des livres qui sont plus élaborés dans les questions de fiqh aujourd'hui, comme par exemple Al-Mughni ou bien le livre de l'imam Al-Nawawi, j'ai oublié le titre, en tout cas, c'est des mawsu'a ou mawsu'at, yani fil fiqh, eh bien, malgré que ces imams-là, on ne connaît pas tout leur madhahib sur tous les sujets, mais certaines de leurs positions ont été préservées et certaines de leurs opinions existent dans ces livres-là. Si tu regardes, par exemple, sur certains sujets, ils vont dire « وَهَذَا قَوْلُ فُلَانُ وَفُلَانُ وَفُلَانُ وَفُلَانُ وَالْإِمَامَ الْأَوْزَاعِ وَالْإِمَامَ الثَّوْرِ وَكَذَا وَكَذَا » Donc, ils vont citer que parmi ces imams-là, ils vont citer eux, par exemple, comme exemple, pour dire que eux aussi ils avaient des opinions dans ces questions-là et ils sont reconnus comme étant des imams parmi les imams d'Ahl Sunnah. Mais comme le Cheikh Ibn al-Qayyim il le dit ici, leurs madhahib, ils n'ont pas été préservés. Hein? Ils n'ont pas été préservés. Et il y a également, il dit, donc toutes ces différentes positions-là ont été perdues, excepté quatre personnes, hein? Excepté le madhab de quatre personnes. Hein? Seulement, parmi tous les ulama de la Ummah et de tous les fuqaha, donc, est-ce qu'il y en a un parmi les imams qui a dit une chose pareille, qu'il fallait suivre seulement ces quatre-là, hein, parmi les ulama, ou est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui a déjà appelé à cette idée-là? Et est-ce qu'il y a un seul mot ou un seul terme parmi dans leurs paroles qui pourrait indiquer qu'ils ont voulu dire cela? Hein? Il dit ce qui est obligatoire, c'est uniquement ce qui a été rendu obligatoire par Allah et par son messager aux sahaba et aux tabi'in. Hein? C'est-à-dire qu'est-ce que Allah et son messager ont ordonné aux sahaba et aux tabi'in et à ceux qui les ont suivis. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné également et a rendu obligatoire à tous ceux qui viennent après eux jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'est-ce qui est obligatoire, ça ne change pas, ça ne va pas, ça va pas changer, ça va pas être il y aura pas de divergence. Ce qui est obligatoire à l'époque des sahaba, c'est obligatoire aujourd'hui. Hein? Et ce qui est haram, ça reste haram. Et il dit, il n'y a pas de changement, hein? Même si les différentes façons ou les différentes formes ou les différentes mesures peuvent changer, mais la réalité, elle reste. Hein? Et c'est sûr que qu'est-ce qui change, c'est aussi les capacités, hein, d'une époque ou d'un endroit à l'autre, ou d'une époque à l'autre, et d'un état à l'autre. Il dit « فَكَذَلِكَ تَابِعُنْ لِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهِ » Et donc tout ça, également, c'est, ça suit ce que Allah et son messager a ordonné ou ont ordonné. Il dit وَمَنْ صَحَّحَ لِلْعَمِّ مَذْهَبًا قَالَ هُوَ قَدْ اَعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ الَّذِي انْتَسَبَ إِلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءَ بِمُوجِبِ اعْتِقَادِهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ لَوْ صَحَّ لَلَزِمَ مِنْهُ تَحْرِيمُ اسْتِفْتَاءِ أَهْلِ غَيْرِ الْمَذْهَبِ الَّذِي انْتَسَبَ إِلَيْهِ وَتَحْرِيمُ تَمَذْهُبِهِ بِمَذْهَبِ نَظِيرِ إِمَامِهِ أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, il dit maintenant, parce qu'au début de la réponse, vous avez vu qu'il a dit qu'il y avait deux positions sur cette question-là. Il a dit la première, c'est la vraie, c'est celle qu'on vient d'expliquer. Maintenant, il dit il y a une autre position, et c'est ceux qui ont dit que c'est permis ou c'est correct pour un musulman ordinaire ou le commun du musulman d'avoir un madhab. Et il dit à ce sujet-là, celui qui a dit que c'était correct pour le musulman du commun d'avoir un madhab, il dit que c'est dans le sens qu'il croit que ce madhab auquel il a adhéré ou il prétend appartenir, il prétend que ce madhab-là, c'est la vérité à laquelle il doit être fidèle, selon sa croyance, hein, selon ce qui est impliqué par sa croyance. Et le cheikh, il dit que ce que ceux-là ont dit, même si c'était vrai, ça impliquerait l'interdiction de demander une fatwa d'un savant autre que celui de son madhab ou du madhab auquel il a appartenu. Et d'interdire à cette personne également de suivre le madhab d'autre que son imam ou même l'interdiction de suivre une position qui est plus proche de la vérité que celle de son imam ou de son madhab. Ou bien d'autres implications également qui indiquent la fausseté, hein, et la corruption de cette opinion et de cette position-là. Puisque ça implique également, ou ça implique même que s'il voit un texte du messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme un hadith, ou une parole d'un parmi les quatre khulafa ar-rachidin, autre que son imam, hein, qu'il devrait délaisser le hadith, et délaisser la parole des sahaba et donner à la parole de celui qu'il prétend suivre parmi les quatre madhahib, le mettre en avant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en avant de la parole des sahaba. Et ça, c'est clair que c'est, hein, ça fait aucun sens. Et après, il dit le cheikh, « Wa ala hadha falahu an yastafti » Donc, si on comprend tout ce qu'on vient d'expliquer, il faut comprendre qu'il est permis aux musulmans ordinaires ou au commun des musulmans de demander une fatwa à qui il veut, hein, peu importe lequel des quatre parmi les madhahib, hein, ou des autres que ces quatre madhahib parmi les gens de la sunna. C'est-à-dire qu'il est permis à un musulman de demander une fatwa à un savant de n'importe quel de ces quatre madhahib ou même de celui qui ne fait pas partie de ces quatre madhahib mais qui fait partie des gens de la sunna. Et il dit, et il n'est pas obligatoire pour lui de se limiter à demander la fatwa de un parmi les quatre imams des madhahib selon le consensus de la Ummah. C'est-à-dire ceux qui pensent que, ah, mais moi je suis maliki, donc je dois poser seulement la question, une fatwa à un savant qui est maliki comme moi. Et si je suis Hanbali, la même chose. Et si je suis Hanafi, la même chose. Donc tu vas voir, par exemple, des fois, quand les gens ils sont à la Mecque, ils s'en vont pour faire le Hajj ou pour faire la Umrah. Hein? Et dans le groupe, surtout quand tu viens des groupes, des gens qui viennent d'un pays, des pays comme l'Amérique ou les États-Unis ou l'Europe, c'est pas comme dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, en général, quand des gens ils viennent du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie ou de l'Afrique, d'un pays africain, par exemple, le Mali ou le... Hein, la Côte d'Ivoire, ils viennent par groupe, ils sont tous du même pays. La plupart des gens, ils ont le même madhab. Hein? Ça, c'est sans parler des différents manahij et des différentes tendances. Et... Mais quand ils arrivent là-bas, quand les gens d'ici, par exemple, tu vois, il y en a dans le groupe, il y a 4-5 Marocains, 4-5 Tunisiens, 4-5 Asiatiques, Pakistanais. Donc, il y a des Hanafis, il y a des Shafi'is, il y a des Hanbalis, il y a des gens de... Hein? Il y a des gens de tous les mélanges dans le même groupe. Alors là, quand il y a une divergence, parfois, étant donné que ce n'est pas des gens qui sont sur une compréhension de la méthodologie des salafs et du manhaj de Ahl-Sunnah, donc qu'est-ce qui peut arriver des fois, c'est que chacun il va dire, bon, écoute, vous, vous dites ça, mais moi, je vais aller demander à un cheikh de mon madhab, et l'autre, il dit, moi, je vais demander à un cheikh de mon madhab, et l'autre, il dit, moi, je vais demander à un cheikh de tel... Parce que les chouyours, il y a des chouyours là-bas qui sont, par exemple, Hanbali. Beaucoup des ulamas de l'Arabie Saoudite, c'est des Hanabi là, parce que Ils sont Hanbali, mais il y a des ulama aussi qui sont Maliki, qui sont Hanafi, qui sont Shafi'i. Hein, parce qu'il y a des ulama là-bas qui viennent parfois de d'autres pays. Comme par exemple, il y en a qui viennent de la Mauritanie. Les Mauritaniens, en général, c'est des Malikiyas. Il y en a qui viennent de, par exemple, de l'Égypte ou de d'autres pays comme ça. Et eux, beaucoup d'entre eux sont des Shafi'iyas, comme les savants de la Syrie, de l'Égypte. Il y en a qui sont Hanafiyas, parce qu'ils viennent de l'Inde et du Pakistan et des pays comme ça, la Turquie et l'Inde. Hein. Et d'autres qui sont de Hanabila, comme j'avais dit tout à l'heure. En tout cas, à la kulli Ah, subhanallah. Ah, هذا يدخل في التعصب المذهبي نسأل الله العافية. Donc le frère il a mentionné un point intéressant. Il a dit nous quand on nous amène pareil, quand on part pour aller faire la Umrah ou le Hajj avec des groupes par exemple au Maroc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ils nous disent lorsque vous partez au Hajj ou la Umrah et que vous arrivez là-bas il ne faut pas poser des questions à aucun cheikh, excepté un cheikh du Maroc et un cheikh maliki. Parce que sinon, votre hajj va être batil. Hein? Votre hajj va être batil. Donc, c'est clair que ça, c'est faux. Parce que l'important, ce n'est pas de savoir est-ce que. Walaykoum salam. Est-ce que. L'important, ce n'est pas de savoir est-ce que l'imam en question. Est-ce qu'il est de mon madhab ou de madhab de Maliki ou Shafi'i ou Hanbali? L'important, c'est qu'il donne la fatwa selon le dalil. Min al-kitab wa sunnah. Naam. La plupart des choses qui a rapport avec les règles du Hajj, en grande partie, c'est basé sur le hadith de Jabir. La plupart des règles dans le Hajj, c'est basé sur le hadith de Jabir. Hein? Radiallahu anhu. Et il a rapporté le Hajj du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith. C'est un des plus longs hadiths qui existent, même dans la sunna. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de grandes divergences dans les questions comme de ce genre. Mais ça arrive que sur certains points, il y a des divergences quand même. Donc, dans des questions de divergence, il faut revenir à la sunna et trancher selon le dalil. Et c'est des questions d'ijtihad. Eh bien, comme on dit des fois, les ulama, ils disent la inkara fi masail l'ijtihad. Donc, si c'est des questions d'ijtihad, il n'y a pas de. Si un savant il a dit quelque chose, il n'y a pas un hadith qui est sarih, qui est wadih, qui vient clarifier la question. Dans ce cas-là, il y a des divergences, ça, c'est pas grave. C'est comme les ulama, ils disent, par exemple, par rapport à certaines divergences qui existent entre les ulama sur ces questions-là. Si tu prends une position ou l'autre, dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Ou des fois, même, le prophète, il nous a permis de faire un ou de faire l'autre. Si tu le fais, lui, c'est correct. Si tu le fais, l'autre, c'est correct. Donc, dans des cas comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais juste terminer l'explication de la dernière citation qu'on a lue. Et le cheikh, il dit donc que, il dit qu'il n'est pas non plus obligatoire à un savant de se limiter aux hadiths des gens de son pays, hein, ou d'autres que son pays, ou d'autres pays. Comme par exemple, il y a certains savants, peut-être d'une certaine époque, ils disaient, nous, on prend seulement les hadiths des Chaméens, ou d'autres qui disaient, on prend seulement les hadiths des Misriens. On ne prend pas les hadiths des Basriyin ou des choses comme ça. Donc le cheikh, il dit ici, non, tu prends le hadith depuis qu'il est sahih, peu importe de quelle région ou de quel endroit il vient. Et c'est ça qu'il a expliqué ici. Tu dois le mettre en application, peu importe que ce hadith vienne du Hijaz ou de l'Irak ou de la Syrie ou de l'Égypte ou du Yémen. Ça, c'est à l'époque où les ulama, ils allaient de région en région pour rassembler et recueillir les hadiths, hein, pour justement. Bâtir ou établir leur madhab. Oui, sinon, attendez-moi, oui, c'est ça. Donc là, la prochaine citation, ça va être la citation de Ibn Abil Izz al-Hanafi. Et c'est un des ulama de Al-Ahnaf. Et c'est lui qui a écrit le Sharh de Tahawiyya. C'est une explication de la aqida al-tahawiyya. C'est une explication de cette aqida qui est très connue. Elle existe, elle est publiée. Et beaucoup de ulama s'y réfèrent. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله وفيكم بركاته.